Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité, c'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de chasse, c'est la dernière chronique de chasse, et puis ça me fait de quoi, parce que j'ai vraiment aimé ça. J'aime pas encore la chasse, mais au moins je parle avec un passionné, puis ça rend ça intéressant, c'est notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu veux nous parler aujourd'hui de la dinde sauvage? Ouais, tu sais, quand on parle de l'orignal et du chevreuil, c'est connu au Québec, mais il faut dire qu'avec la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, on a fait un travail colossal de réensemencement ou de réintroduction, parce que c'est pas du réensemencement comme un poisson, c'est de la réintroduction du gibier. On a commencé ça dans l'Outaouais parce qu'on disait ça, c'est le temps le plus clément, c'est l'endroit où les hivers sont moins durs, donc la dinde va être capable de survivre là-bas. Mais on s'est rendu compte que finalement, elle pouvait vivre partout. Puis pourquoi on parle de dinde sauvage, c'est que contrairement au chevreuil ou à un orignal, la dinde sauvage est un oiseau qui a énormément d'avantages. Okay. Parce que c'est un oiseau, premièrement, qui voit excessivement bien, puis de très, très loin. Il entend d'une façon démentielle. Il peut courir et voler en même temps. Son camouflage est vraiment parfait dans le bois. Il court hyper rapidement, comme un roadrunner au sol, donc vraiment, ouais. Il se déplace très rapidement, ce qui rend la chasse excessivement difficile. Okay. Donc, aux États-Unis, c'est la plus grosse chasse, c'est l'endroit où on investit le plus et on gaspille le plus au niveau de la chasse. Donc, les habits de chasse, les fusils, les accessoires qui sont pour la chasse, les cours qui sont donnés pour la chasse à la dinde. Et je vais vous donner simplement quelques statistiques ce matin. Ouais. Simplement quelques états, par exemple. Il y a un état comme le Kansas, où on calcule qu'il y a 500 000 oiseaux. Ooh. Et en plus, et malgré tous les permis qu'on a pu donner, on n'a récolté que 19 941 oiseaux. OK. Donc, on voit que c'est une chasse qui est très difficile. Les gens pensent que la dinde, là, c'est une dinde, c'est facile. Le vital est très, très, très, très petit. Malheureusement, moi, j'ai fait des films de chasse à l'arc, à la dinde, et c'était pas beau à voir, mais c'était impressionnant à parler. Une dinde pouvait avoir 3 flèches dans le corps et continuer à courir comme si rien n'était. Parce que c'est de la chair, donc quand on prend un poulet, on se rend compte que tout le gibier, cœur, etc., c'est tout petit. Ça prend rien qu'une petite place dans un poulet. Donc, dans une dinde, c'est exactement pareil. Donc, ça passe au travers de la chair. Ça peut-être casser un aile, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas l'oiseau de se déplacer. Il faut vraiment où on atteint le cou et on coupe le cou, ou finalement, on atteint le cœur qui est au début de l'aile, qui est presque en plein milieu de l'aile quand l'aile est fermée. Donc, quand on atteint le cœur, là, l'oiseau va tomber, mais finalement, c'est très, très dur. Okay. Donc, ça entend tellement que quand on est caché, bon, on chasse ça au sol, dans des habits. Vous avez vu des films de guerre où les gens sont camouflés comme si c'était des touffes de gazon, avec des habits qui pendouillent, là, qui sont comme si tu avais mis un paquet de foin après toi. Ben, ces habits-là, c'est ce qu'on va servir. Donc, on est vraiment au sol, on bouge pas, on a les yeux camouflés. Si elle nous voit les yeux, c'est sûr qu'elle est partie, puis de très, très loin. Donc, c'est une chasse qui prend énormément d'ampleur, et même au Québec. Ouais. Donc, le Québec n'est pas en reste, parce que en 2008, j'ai pas les dernières statistiques, mais quand on avait fait la réintroduction, dans certaines zones, on tuait un, deux, trois oiseaux, mais finalement, au total, on a réussi à tuer 584 oiseaux sur l'ensemble du territoire. Okay. Ce qui est quand même beaucoup. Puis une dinde, oubliez pas qu'une dinde, ça pèse une vingtaine de livres. Ah oui, je voyais ça, puis justement, là, puis ça se chasse de quelle date à quelle date? Ben écoute, c'est nous autres, il y a des dates qui varient. Ouais. Aux États-Unis, c'est avril-mai. Okay. Nous autres, ici, on a des dates qui sont un peu différentes, mais c'est il faut vraiment vérifier dans chacune des zones. Alors, tu vois, on n'a pas beaucoup de zones. On a la 4, la 5, la 6, la 8, la 9, la 10 et la 12 qui sont des zones permises au Québec. Donc, parce que ça ne chasse pas partout. Et là, les oiseaux, est-ce qu'ils viennent des États-Unis ou ça vient du réensemencement? De la réintroduction, c'est-à-dire, effectivement, ça vient de la réintroduction, mais il y en déplace, il y en a beaucoup d'oiseaux qui partent des États-Unis puis s'en viennent. Donc, les gens sont surpris des fois de s'en aller d'un canton de l'Est puis voir un troupeau de dindes. Oui. Même dans la Beauce, maintenant, on va retrouver de la dinde. Et surprenez-vous pas, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez en retrouver aussi. Okay. Donc, okay. C'est surprenant de voir, t'arrives sur le bord de la route, tu dis, non, qu'est-ce qu'il y a une dinde sauvage fait ici? Ben ça se déplace tellement durant l'hiver, ça se déplace tellement durant la saison, que ça en plus de ça, c'est grégaire. Donc, ça vit en banc, et ça va être normal que vous ayez un genre de troupeau de dindes sauvages sur le bord du chemin. Dans le temps qu'ils sont pas à la chasse, ils viennent se nourrir là, donc ils sont pas craintifs, mais dans le temps de la chasse, faites-vous-en pas, vous les verrez pas. Donc, c'est des retombées économiques. C'est aux États-Unis, c'est la plus grosse chasse, c'est l'endroit où okay. On paye le plus d'argent que toutes les autres chasses. OK. Hey, dis-moi, c'est-tu un oiseau qui se reproduit beaucoup? C'est un oiseau qui, à l'heure actuelle, le gouvernement est en train de vérifier c'est pas vraiment. Voir, okay. Justement les taux de reproduction, parce que quand tu regardes dans les États comme la Pennsylvanie, où on calcule qu'il y a 210 000 oiseaux, okay. Il s'en tue 41 000 par année, puis le cheptel descend pas. Donc, c'est un oiseau qui peut donner plusieurs petits, comme une perdrix, 3, 4, 5, 6 oisillons. Mais j'ai pas les vraies statistiques, okay. Malheureusement. Je suis pas capable de vous répondre là-dessus, mais effectivement, ça se reproduit comme une poule. Okay. Donc, oui, il peut y avoir plusieurs oiseaux qui vont venir au monde. Est-ce qu'ils vont tous survivre du froid? Ça, c'est la grande question. Très bonne question. Il ouais. reste quand même que c'est la chasse de l'avenir. C'est ce qui va sauver et qui va introduire une autre approche de la chasse, parce que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Ben oui. Et dans le cas d'une dinde, ce qui est spécifique, c'est que les gens qui vont aller à la chasse à la dinde, le trophée, parce qu'on gardera pas l'oiseau, le trophée, c'est la fameuse barbichette qu'elle a sur le cou. Okay. Elle a une grande barbichette en genre de poil qui va être là. Plus elle est longue, plus la dinde était grosse. Et les gens vont se servir de la cartouche avec laquelle ils ont abattu la dinde, et ils vont coller cette touffe de poils-là dedans, et ça va devenir le panache que tu vas garder. Donc, sur les cheminées américaines, tu vas avoir des gens qui ont 25, 30, 35 coups de faisan de dinde, c'est-à-dire uniquement la barbichette. Tu sais, comme okay. si tu voyais en dessous d'un orignal la grosse chose qui pendouille, ben, en dessous d'une dinde, c'est exactement pareil. C'est ça que les gars gardent comme trophée au niveau de la dinde. Donc, il faut pas penser que la dinde sauvage, c'est un oiseau imbécile. C'est la chasse la plus difficile qu'on peut pas avoir de tous les gibiers qu'on peut tuer. Donc, c'est ça qui va devenir le grand challenge pour les amis chasseurs. Ah ben Claude, ça m'a fait plaisir. C'était vraiment fun. Ben moi, comme je t'ai dit, je te connaissais. Je t'avais entendu souvent à Radio X dans des commentaires politiques, par contre. Mais je savais que tu étais un passionné de chasse. Ça fut fort agréable. Puis on va commencer ça plus tôt l'an prochain. On va commencer ça avec la pêche. Qui, ben, quoi, au mois d'avril? Je partage pour te dire, donc, ouais. Il faut revenir au mois de... Avril? Je dirais au début de mai. Début de mai, on OK. On commence à parler de la pêche, puis donner tous les trucs pour les pêcheurs, ouais. Compte tenu de la saison, l'hiver qu'on va avoir. OK. Ben, Claude, on s'en parle, puis je te suis sur Facebook, tes commentaires politiques. Merci, t'es gentil. Claude Roy, notre spécialiste de chasse et pêche.